chérie, na lotio, na katia butu pembe ninanga, mwana mama, koti chérie, na banzio, na katia maboko nanga, yokulila na bizi. Yakoti, yakoti, yakoti, eh, eh, yakoti, yakoti, yakabinda, yakoti, nakobelela, zonga, zonga, eh, di manga la mongongo na se akwitio, na yoka sentimara, esengo na motema na lela libela poto vanda. Kasi soki banguna bakote libiso ire, tobunda simande to kolonga libala. Kasi soki binemi bakote libiso koti, olanda telanda se mobali na yo. Netinga pena kosala yo kosala, netinga pena koloba yo kolanda mama. Bolingo yangana koti yeye pour toujours, bolingo yangana mama yeye koti. Bolingo ya nzambe, zakumba eme, atindi biso. Je franchirai tous les obstacles possibles rien que pour toi. Quels que soient les obstacles, je le franchirai pour t'avoir à moi tout seul. Netinga pena kosala yo kosala, netinga pena koloba yo kola. Bolingo yanga na koti yeye pour toujours, bolingo nanga na mama yeye koti koti chéri koti nanga na bolingo ya nzambe zakomba eme atindi biso. Mama de sangue, mama, kumabina mami, balanda mama.